Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 182e émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et fait à noter, aujourd'hui, ça se trouve être le 5e anniversaire de l'émission. Et oui, tout ça a débuté en février 2013 avec quelques albums sous le bras. Et 5 ans plus tard, et près de 2000 chansons différentes et probablement des centaines de groupes de rock progressif, bien, on se trouve encore du matériel pour une suite. Alors, j'espère qu'on sera ensemble pour les 5 prochaines années. En tout cas, moi, je suis prêt à le faire. Les artistes contribuent aussi beaucoup parce que je regardais encore cette semaine. Il y a presque 900 nouveaux groupes encore cette année, entre le 1er mars 2017 et aujourd'hui. Alors, 900 quelques nouveaux groupes qui continuent à la relève. Et il y a beaucoup... c'était encore une fois assez diversifié. Il y a du métal, il y a du crossover, il y a même du zeul, et du krautrock encore. Alors, c'est de bon augure et je suis à même de constater qu'il y a beaucoup de talent. Là, et les conditions d'enregistrement aussi sont beaucoup améliorées. Alors, on se souhaite un beau futur. Alors aujourd'hui, en émission, on aura pour les 2 prochaines heures le premier bloc consacré à Steve Hackett et son nouvel album Live in Birmingham. On aura Life Signs d'Angleterre, Tessa in Tessa d'Italie, Ghostly Beard de Montréal, on aura O de Grèce, Trum House d'Allemagne, Unreal City d'Italie et Tempano du Venezuela. Alors, l'album de la semaine, je l'ai mentionné, c'est Steve Hackett. Steve Hackett qui vient de sortir un album live in Birmingham. Ça coïncide avec le 40e anniversaire de Wind and Watering. Et l'album contient 2 CD, 2 DVD / là, Blu-ray. Là, il y a du matériel pour plusieurs heures. Et Steve Hackett, dans ce spectacle-là, bien, il nous fait un petit peu le survol de ces années passées. Et moi, je vous extrais de cet album-là 3 titres. Et le premier, c'est Shadow of the Hierophant. Ça date quand même des débuts de la carrière solo de Steve Hackett sur l'album Voyage of the Acolyte. Et ensuite, nous aurons The Steps, qui est extrait de Defector. Et en fait, je vous nomme les albums d'origine, là, mais tout ça vient de l'album live qui est enregistré il y a quelques mois. Et nous allons conclure avec le très, très réputé Los and Dose, qui est origine de Trick of a Tale. Alors, on débute ça avec Shadow of the Hierophant. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, un petit retour avant la pause, on avait Steve Hackett avec trois extraits de son plus récent album live. C'est Live in Birmingham. Ça, c'est paru le 26 janvier 2018. Et on retrouve les trois pièces que je vous ai fait jouer. C'est Los and Dos, qui nous provient de Trick of a Tail. On a eu auparavant The Steps, qui vient de Deflector. Et en début de bloc, nous avions Shadow of the Hierophant. Ça c'était sur le premier album, c'est-à-dire solo de Steve Hackett là, dans les années 70. Pour ce deuxième bloc, bien, nous avons une nouveauté de la formation Life Signs. Life Signs, qui est un groupe d'Angleterre qui gravite autour du vétéran claviériste, là, membre à l'époque de Straubs, j'ai nommé John Young, qui a sorti le deuxième album il y a quelques mois déjà. Et il y a un noyau dur de trois musiciens et qui se fait inviter, c'est-à-dire il se fait accompagner sur. Ça a été le cas dans le premier album paru en 2013 où on a vu Steve Hackett, on a vu Dish Van Leer de Focus, on a vu Nick Beggs de Mute Gods. On a maintenant sur le deuxième album la participation de Dave Brainbridge qui provient du groupe Iona. On a Menno Gutis qui. Gouges, excusez-moi, de Focus. On a Nico Tsonev qui a œuvré avec Steve Wilson, notamment sur l'album The Raven That Refuse to Sing and Other Stories. Et puis, on a le guitariste Robin Bolt qui œuvre au sein de la formation Edison's Children. Ça va être la pièce titre de l'album Cardington qu'on va entendre. Et ça sera suivi de la formation italienne Tacita Intesa qui nous ont produit un seul album en 2014. C'est un album éponyme. Alors, on va entendre une pièce de ça et on va conclure avec Ghostly Beer qui est un musicien de Montréal, Patrick Talbot, qui est un multi-instrumentiste et qui a sorti il y a quelques mois l'album Infinite. Alors, on va entendre la pièce, juste une petite seconde, Close Your Eyes. Alors, on débute ça avec Life Signs et Cardington. In a village past the mists of time lies a monolith that stares towards the clouds. With the latest in technology, you will find it hidden under secret shrouds. Dimensions incomparable, it's like nothing that we've ever seen before. The onset of the rituals, the papers say we really can't ignore. But if we were meant to reach the skies, then surely we'd be given wings to fly. The beauty of the silver beast, a machine that gives a man the means to try. I see nothing but blue. I will wait forever. fly across the ocean. Let shadows run free and fill up the sky. Fly. From the darkness of your heart. Yes, my friend, you'll have to face the consequences of your errors and your lies, betrayals and disguise. You better open your eyes now. Better open your eyes. Of weary bitterness. Look around. There's a reason why the doors have closed in front of you. You know they've thrown away their keys. You better open your eyes now. happiness. Such a faithful friend of yours, you can't stop looking in her eyes. Extractive, deadly emptiness. If there's a chance that all your failures be redeemed, you may find peace and quiet is hiding in the loving of a child. You better close your eyes now. Better close your eyes. Close your eyes now. Better close your eyes. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation, en fait, le projet de Patrick Talbot, le projet qui s'intitule Ghostly Beard. Et on a entendu la pièce Close Your Eyes, c'est extrait de l'album Infinite qui est paru il y a quelques mois déjà. Et ça a été précédé de la formation italienne Tacita Intesa. Et on a entendu la pièce Corona qui est extraite de l'album éponyme, le seul paru en 2014. Et en début de bloc, nous avions la formation britannique Live Signs. Et la pièce-titre de l'album Cardington qui est paru il y a quelques semaines déjà. Alors, après la pause, nous aurons O de Grèce, Trumhouse d'Allemagne et Unreal City d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une musicienne grecque qui se fait, en fait, son nom d'artiste, c'est O, O-H, point. Ça nous vient de Grèce. Alors, c'est une guitariste qui est assez, a des styles assez variés. Elle a une belle voix. C'est une créature du web. On la voit sur Bandcamp là, assez régulièrement. Elle sort des chansons à la pièce. Elle a déjà eu un album un peu métal là, qui est apparu il y a quelques années. Mais ce qui est récent, c'est ce qui vient de sortir, c'est Deserted Eyes. Et je vous propose cette pièce-là qui tourne quand même assez régulièrement. On la voit assez régulièrement sur le web. Et ça va être suivi de Trumhouse. Trumhouse, c'est une formation d'Allemagne qui a œuvré entre 2001 et 2013. Ils ont seulement 3 albums studio à leur actif. Et moi, je vous propose une pièce qui est parue en 2014 et c'est Ausgeliefert. Mon allemand est un petit peu raqué ou rouillé. Alors, Ausgeliefert. Et on va conclure avec Unreal City. Et c'est un petit retour en arrière avec leur premier album, La Crew Delta des Aprilé. Et on va entendre Ekat. Alors, on débute avec O. Turn and come.

Thank you. matin bouillant. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, c'est déjà le quatrième bloc et le dernier bloc de l'émission de ce cinquième anniversaire de Rock de Neurones. Et pour conclure, nous allons avoir une pièce, une seule pièce. C'est la pièce titre de l'album El Fin de la Infancia. Et ça, c'est le groupe Tempano du Venezuela. Et puis cet album-là, bien, c'est le septième du groupe. Ils en ont 10. Et ils sont encore actifs. Ils ont un album qui est paru l'année dernière. Et ça, c'est quand même depuis 1979 que ce groupe-là existe. On en a fait jouer plusieurs pièces à l'émission durant les dernières années. Et j'ai un coup de cœur pour cette pièce-là. Alors, c'est paru en 2000 et je vous la propose tout de suite. Alors, Tempano du Venezuela. Thank you.

Alors, c'était Tampano du Venezuela et la pièce-titre de l'album El Fin de la Infancia. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Et ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez écouter l'émission sur Internet, je vous propose d'aller sur SoundCloud et vous n'avez qu'à taper « Rock de Neurones » dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de l'émission « Rock de Neurones ». Et de plus, sur cette page, vous allez y trouver plusieurs informations, notamment des chroniques que j'ai rédigées sur des artistes italiens assez récents. Et aussi, vous avez accès à un hyperlien qui vous amène à des émissions archivées. Il y en a une centaine là, qui nous ramène jusqu'en 2014. Alors, c'est Jimmy Farley qui, dans son 5e anniversaire de Rock de Neurones, vous invite à vous joindre à nous pour 5 autres années. Alors, à la semaine prochaine.